Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous chers voisins du poste. Vous qui habitez avec quelqu'un, à proximité de quelqu'un, à côté de quelqu'un ou de quelques-uns, cette série sur le voisinage vous est dédiée. Le voisinage a ses vices, mais il a aussi ses vertus, comme le fait de constituer une extraordinaire source d'inspiration à partir des faits et gestes les plus ordinaires. L'écrivain qui l'a bien compris, c'est Georges Perec. Ma vraie ambition, d'une certaine manière, mon ambition, c'est de remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale. C'est vrai? Oui. Une autre ambition serait d'utiliser tous les mots de la langue française. Oui, cela pourrait commencer ainsi, comme ça, d'une manière un peu lourde et lente. Dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où la vie de l'immeuble se répercute, lointaine et régulière. De ce qui se passe derrière les lourdes portes des appartements, on ne perçoit le plus souvent que ces échos éclatés, ces bribes, ces débris, ces esquisses, ces amorces, ces incidents ou accidents, qui se déroulent dans ce que l'on appelle les parties communes. Ces petits bruits feutrés que le tapis de laine rouge passé étouffe, ces embryons de vie communautaire qui s'arrêtent toujours au palier. Les habitants d'un même immeuble vivent à quelques centimètres les uns des autres. Une simple cloison les sépare. Ils se partagent les mêmes espaces répétés le long des étages. Ils font les mêmes gestes en même temps. Ouvrir le robinet, tirer la chasse d'eau, allumer la lumière, mettre la table. Quelques dizaines d'existences simultanées qui se répètent d'étage en étage et d'immeuble en immeuble et de rue en rue. Bonjour Jean-Luc Joly. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes ancien enseignant en classe préparatoire littéraire à Paris, au lycée Janson de Sailly, président de l'association Georges Perec. Et c'est avec vous que nous allons pénétrer maintenant dans l'œuvre de Georges Perec dans le cadre de cette série sur le voisinage. Peut-être avez-vous reconnu derrière la lecture du début de ce texte quelques notes de Debussy, Children's Corner. Et cette musique, comme toutes celles que vous allez entendre au cours de cette heure, se trouve dans ce livre. C'est un jeu de Perec qui lui-même est friand de détails. Et bien, nous-mêmes, nous avons décidé de jouer avec chacune dans de ces musiques. Dans ce livre, c'est-à-dire dans La vie, mode d'emploi. Dans La vie, mode d'emploi. Merci de donner le titre du livre, écrit en 78. Est-ce qu'on peut dire que ces 700 pages que compose La vie, mode d'emploi sont 700 pages de mise en scène du voisinage, hein, ce qu'il appelle la coexistence des existences simultanées qui se répètent d'étage en étage? Oui et non. Effectivement, il y a beaucoup de voisins dans La vie, mode d'emploi, puisque c'est la vie d'un immeuble, c'est un roman au pluriel. Donc le voisinage y est un phénomène important, on paraît qu'on tient compte d'un point de vue, je dirais, sociologique, narratif, mais c'est un roman qui est bien autre chose. C'est un chef-d'œuvre presque au sens artisanal du terme, donc il y a les voisins, il y a beaucoup d'autres choses. Dans le petit extrait de la radioscopie avec Jacques Chancel qu'on a entendu au tout début de l'émission, Perec dit malicieusement que son ambition était de remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale. Ailleurs, il a dit des phrases assez similaires, comme « j'aimerais tout écrire, tout ce qu'il est possible à un homme d'aujourd'hui d'écrire ». Et s'il y a un roman, encore une fois au pluriel, dans lequel il a réussi cet exploit, c'est bien La vie, mode d'emploi. Il y a des voisins et beaucoup d'autres choses dans La vie, mode d'emploi, mais il y a des voisins. On retrouve le thème des voisins et puis surtout ce que la réflexion sur le voisinage implique dans la façon d'habiter l'espace et d'habiter tout court dans la plupart du travail de Georges Perec, même dans ses autres textes. Oui, alors c'est assez curieux d'ailleurs parce que ce thème du voisinage ou cette métaphore du voisinage ou ce concept de voisinage appliqué à Perec donne des résultats assez intéressants et à ma connaissance personne ne l'a vraiment encore fait ni tenté. Donc vous allez faire pour nous ce matin. Donc voilà, je vous remercie de m'en avoir donné l'occasion parce que je pense que c'est une entrée intéressante dans l'œuvre. Dans le livre d'Hélène Le Yec que vous avez reçu hier sur le voisinage, il y a une très très belle formule, le voisinage. personnage, c'est le lien par le lieu. Et Perec est un écrivain du lieu, de l'espace. C'est une préoccupation qui traverse toute son œuvre. L'un de ses grands projets, encore inédit, mais on est en train de travailler avec Claude Burgelin à son édition, s'intitule « Lieu », ce n'est pas un hasard. Au pluriel, au pluriel. J'imagine. Et il y a bien d'autres textes de Perec où le terme apparaît. « Lieu où j'ai dormi », par exemple, un autre petit inédit dans lequel il avait entrepris l'inventaire de toutes les chambres où il avait dormi. Il y a évidemment, bon, dans un registre assez proche, espèce d'espace. Et Perec est un écrivain géographe. C'est fondamentalement son imagination est géographique, elle est spatiale. Et donc le voisin est un personnage fréquent, si j'ose dire, dans son œuvre, surtout la vie mode d'emploi, évidemment, mais aussi un homme qui dort, et bien sûr espèce d'espace, cette somme de réflexion sur l'espace où le voisin tient une place éminente. Et cette réflexion sur la multiplicité des récits qu'il peut mettre en œuvre à partir d'une histoire. J'insiste sur le pluriel de lieux, parce que on le trouve en sous-titre de la vie mode d'emploi, c'est roman. Au pluriel, espèce d'espace est également au pluriel, il y a toujours ce caractère potentiel de la littérature qu'il veut explorer. Je vous propose qu'on l'écoute à nouveau, c'était en 1978. L'idée de mettre roman au pluriel, c'est pour indiquer ce que je pourrais appeler le caractère potentiel du livre. C'est-à-dire que il y a un livre qui est écrit, qui a une forme matérielle, enfin qui se présente comme un pavé de 700 pages. Et il y a à la fin de ce livre une centaine de pages d'index, qui sont comme les 5000 pièces du puzzle, à partir desquelles on peut recombiner, poursuivre, reconstituer des histoires qui sont éparpillées dans le livre. En fait, il y a plusieurs modes de lecture, en quelque sorte. Un mode de lecture qui serait linéaire, et qui serait le roman, la vie mode d'emploi, et puis un certain nombre de romans en abîme, enfin en dessous. De là vient l'idée de ce pluriel. C'est vrai que lire La vie mode d'emploi est une expérience inoubliable. Jean-Luc Joly, on ne sait pas trop comment le prendre. Le terme de potentiel fait penser à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle auquel appartenait Georges Perec. Oui, c'est une des explications qu'il a données au pluriel du titre, la potentialité, parce que il y a de nombreuses histoires racontées dans La vie mode d'emploi, puisque le texte est contraint, en fait, il a 100 chapitres moins un, et chaque chapitre est consacré à une pièce de l'immeuble, et au fond, dans chacune de ces pièces, une histoire doit se dérouler d'une manière ou d'une autre, ou une description avoir lieu. Il y a une grande variété des styles et des genres abordés dans le texte. Potentiel aussi, parce que Perec n'a pas terminé certaines histoires racontées dans ce roman, qu'il invite le lecteur à le faire lui-même. Donc, comme dans effectivement l'appellation Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, il y a un roman, il y a des histoires, et il y a des histoires potentielles réservées en quelque sorte que le lecteur peut poursuivre lui-même. C'est une des raisons d'existence de ce que Perec appelle les pièces annexes, avec un double sens évidemment. Sur le mot pièce, à la fin du roman, il y a un index, il y a aussi une chronologie, il y a un post-scriptum qui énumère les écrivains qu'il a convoqués, enfin, qu'il cite dans la vie mode d'emploi, d'ailleurs souvent, tout le temps de manière dissimulée. Et au fond, en prenant l'une ou l'autre de ces pièces annexes, le lecteur peut faire ses propres parcours de lecture dans la vie mode d'emploi, inventer ses propres histoires. Il n'est pas obligé de suivre le parcours du roman, qui est lui-même d'ailleurs un parcours assez déroutant, puisqu'on ne progresse pas dans l'immeuble d'étage en étage, par exemple, mais on y progresse d'une manière autre, ou lipienne, pourrait-on dire. Et donc, en cédant de l'index, de la chronologie, en cédant du fait que Perec lui dise, par exemple, que Jules Verne est présent dans le texte, le lecteur peut refaire ses propres parcours de lecture. C'est ça aussi la potentialité de ce texte. Il met 9 ans à écrire ce texte. Oui, à peu près. Qui peut se lire comme un puzzle. On reviendra sur l'importance de ce mot et de ce jeu, cette activité pour Perec. L'idée est-elle de proposer, enfin, est-ce que c'est simplement ludique? C'est tout ce soin mis à l'agencement, cette structure ahurissante et tellement logique et en même temps imprévisible de l'ouvrage. Dans quel but fait-il cela? Alors, L'intentionnalité chez Pérec, c'est vraiment une question, parce qu'on peut se demander si lui-même le sait, en tout cas au départ, manifestement, si on en revient par exemple aux entretiens qu'il donne tout au long de l'écriture de La vie mode d'emploi, parce qu'il a, annoncé en quelque sorte, il a annoncé son roman. Et les entretiens qu'il donne immédiatement après la parution du roman, et puis ceux qu'il donne un an ou deux ans après, enfin, on voit sa pensée nettement évoluer, comme s'il découvrait lui-même, au fond, l'ampleur de son roman et ce qu'il donnait au bout du compte. Alors, au départ, il y a une ambition oulipienne. En fait, les prémices du projet semblent dater de 67, 68, 69, à peu près, dans ces années-là. Et Pérec vient d'entrer à l'Oulipo, et les oulipiens, enfin, surtout l'un d'eux d'ailleurs, François Le Lyonnais, qui est surtout un mathématicien, a en quelque sorte donné aux oulipiens une sorte de direction de réflexion qui est ce qu'il appelle l'oulipo sémantique. C'est-à-dire que jusqu'ici, les oulipiens ont essentiellement travaillé sur des contraintes linguistiques. On écrit un texte, par exemple, sans la lettre E, ce qui donne un lipogramme, en réorganisant les lettres. Ce que fera Pérec dans La disparition, bien sûr. Un ouvrage écrit sans la lettre E. Bien sûr. D'ailleurs, sans E... Peut-être, voilà, est-ce qu'il est seul, peut-être? Justement, là, il n'y a pas de voisin dans ce texte. Oui, sans eux, alors là, on a donné aussi toutes sortes d'interprétations à cette absence de eux, les parents. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'au fond, c'était l'absence du féminin. Enfin, bon, bref, a fait pas mal parler de lui, si j'ose dire. Pour revenir donc à l'entreprise oulipienne de La vie mode d'emploi, au point de départ, il y a cette volonté, alors, non pas simplement donc d'explorer les contraintes linguistique, lipogramme, anagramme, palindrome, que sais-je encore, mais des composantes sémantiques du texte, le personnage, la temporalité, l'espace. Et Claude Berge, donc, qui est un mathématicien, un autre membre de l'Oulipo, a entendu parler de ce qu'on appelle les bicarrés latins. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la cuisine technique du roman, parce que ça nous mènerait sans doute trop loin, mais au départ, donc, il y a la volonté d'appliquer à un roman une sorte de structure mathématique, qu'on appelle donc un bicarré latin, au fond c'est une combinatoire, si on veut le dire assez sommairement et rapidement, et au fond il s'agit presque, à partir de là, d'écrire un roman sur plan, et au fond Pérec... Comme un immeuble au fond. Oui, c'est presque ça. Au départ, c'est par forfanterie presque oulipienne, Pérec parle, voilà, je suis en train d'écrire un roman, et je sais déjà que au chapitre 43, ça se passera dans telle pièce de l'immeuble, il faudra que j'aie tant de personnages, il faudra qu'il y ait une allusion à l'Amérique du Sud, il faudra qu'il y ait de la tapisserie à fleurs sur les murs, enfin, voilà, ça... Il écrit un roman sur plan, et c'est presque comme ça qu'il commence, si j'ose dire. Créer un réel entièrement fabriqué, un réel de synthèse. Pérec invente le roman de synthèse, on pourrait presque dire. Il reconstitue un réel qui n'existe pas, pixel par pixel, pour créer une image de réel. Et ça, donc, c'est presque la plaisanterie oulipienne de départ. Plaisanterie entre guillemets, parce que les oulipiens sont des gens qui plaisantent sérieusement, si j'ose dire. Oui, mais ils pourraient se contenter de suivre des règles et de voir le résultat littéraire qui en jaillirait. Oui. Mais il choisit quand même d'ancrer son récit dans un immeuble, dans un logement, comme pour essayer de décrire un intérieur, une intimité. Il y a ici quand même une mise en scène qui est vraiment spatiale, qui est très importante chez Pérec. Oui, parce que très vite, Pérec s'est toujours dit écrivain réaliste. Pendant des années, on a voulu en faire un formaliste et un anti-réaliste. Or, on ne cesse de répéter lui-même qu'il est un écrivain réaliste. Sauf que il ne veut pas faire un roman réaliste à la Balzac ou à la Zola. Il veut, en quelque sorte, en partant à peu près des mêmes prémices pourtant que Balzac ou Zola, qui sont des écrivains qu'il admire, ou que Jules Verne, par exemple, il veut recréer le réel ou aborder le réel d'une manière différente. Très vite, il s'aperçoit que son immeuble, il faut effectivement qu'il l'ancre dans le réel. Il demande très vite à une de ses amies de dessiner l'immeuble pour voir s'il peut avoir une existence architecturale. Et au fond, on arrive maintenant peut-être à 2 ans après la parution du roman, à travers les réactions de ses lecteurs, il s'aperçoit que son roman a parfaitement fonctionné comme une tranche de réalité. Et que les gens, par exemple, vont dans le 17e arrondissement pour essayer de trouver la rue Simon-Crubelier, parce que l'immeuble est devenu si réel que, au fond, l'effet de réel a été si parfait que ça marche. Et il le dit, il dit « J'imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée, de telle sorte que du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. » Oui, et alors si je voulais terminer un petit peu sur cette histoire de rue Simon-Crubelier, parce que Perec ajoute que, enfin lui-même, à la fin de l'écriture du roman, il est allé voir si la rue Simon-Crubelier n'existait par hasard pas. Autrement dit, si la fiction n'avait pas fini par créer la réalité. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, ôter la façade de l'immeuble, pouvoir envisager l'immeuble comme une maison de poupée, c'est au fond mettre à jour le voisinage, pour revenir à notre thème. C'est un roman du voisinage, parce que dès le départ, il y a la volonté de montrer cet immeuble sans la façade qui cache aux uns et aux autres leurs voisins. C'est aussi un roman, évidemment, où la multiplicité et la simultanéité vont pouvoir apparaître. Mais à l'origine, parce que Perec a toujours dit que les maisons de poupées, entre autres, il y a plusieurs origines au projet, mais que les maisons de poupées avaient été, sa fascination pour les maisons de poupées avait été une des origines de la vie mode d'emploi. Pouvoir justement entrer, si j'ose dire, dans l'intimité de ses voisins, pouvoir les en apercevoir les intérieurs aussi, tout ce qu'on ne fait que deviner ou fantasmer. Précisément, là, vous prononcez le terme, on en parlera jeudi avec Hitchcock, Fenêtre sur cour, le voisin c'est aussi un fantasme. Oui, et quand sûr. Perec enlève la façade et nous montre l'intérieur, ça correspond à un fantasme, on se demande ce qui se passe derrière ces murs. Oui, absolument. Il se reconnaît un certain nombre de prédécesseurs aussi dans le domaine, notamment Le Sage, Le Diable Boiteux, qui est un roman du tout début du XVIIIe siècle, où un personnage, aidé par le diable, a ce pouvoir de soulever les toits et d'y voir ce qui se passe dans les pièces qui sont dans l'immeuble, sous le toit. Alors, dans le contexte un petit peu toujours coquin du roman XVIIIe siècle, il y a évidemment cette ambition de dévoiler l'intimité. C'est pas tout à fait le propos de Perec, évidemment, il n'y a pas cette dimension. C'est jamais impudique, en tout cas. Non, ça peut parfois l'être un peu, mais il n'y a pas exactement cette dimension érotisée dans le roman. Évidemment, Zola avait un petit peu fait la même chose aussi avant Perec dans Peau-Bouille, et Butor dans Passage de Milan. Enfin, on pourrait comme ça dessiner un petit corpus de romans de l'immeuble. Mais son objectif est plutôt, si j'ose dire, et comme souvent d'ailleurs dans ces textes, de faire apparaître ce qu'on ne voit pas, de rendre, alors que c'est pourtant quotidien, proche, infraordinaire, disait-il. On a tous, au fond, des interrogations sur ses voisins. Et Perec part de cette réaction qu'on a très souvent les uns et les autres, d'essayer d'imaginer l'intérieur de nos voisins, et il se propose de le faire, et il le fait concrètement, si j'ose dire. Voilà, et pour le faire, il ne s'agit pas simplement de soulever une façade pour voir ce qu'il y a derrière, mais aussi assembler des morceaux dans le préambule de ce roman, ou de ces romans, puisque c'est au pluriel dans le sous-titre « La vie mode d'emploi ». Il écrit ceci, il écrit « La vérité ultime du puzzle, c'est qu'en dépit des apparences, ce n'est pas un jeu solitaire ». Chaque geste que fait le poseur de puzzle, le faiseur de puzzle l'a fait avant lui. Chaque pièce qu'il prend et reprend, qu'il examine, qu'il caresse, chaque combinaison qu'il essaye et essaye encore, chaque tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque découragement ont été décidés, calculés, étudiés par l'autre. J'ai commencé en, je crois que ça doit être avril 69, je pense que c'est ce jour-là, j'ai acheté un puzzle, très grand puzzle en bois, et c'était une photo assez laide d'ailleurs. Il y avait un grand bout de ciel bleu, il y avait plein de petits des bateaux avec des mâts, et les pièces étaient découpées, ce qu'on appelle à la couleur. Par exemple, un mât, c'était une vingtaine de minuscules filaments, comme ça, comme des tout petits bouts de bambou, qu'il fallait monter comme ça. On était plusieurs à faire ce puzzle, on a passé 3 ou 4 mois dessus. Et j'ai inventé une espèce d'histoire de quelqu'un qui passerait sa vie à faire des puzzles. Puis après, pour que l'histoire soit plus globale, non seulement il ferait les puzzles, mais avant, il aurait peint les aquarelles Ensuite, il aurait demandé à un artisan de les découper en puzzles. Ensuite, il reconstituerait les puzzles. Ensuite, quand les puzzles seraient reconstitués, il les recollerait de manière à ce que les découpes disparaissent. Ensuite, il les détacherait du support de bois. Il retrouverait l'aquarelle intacte qu'il avait peint 20 ans avant et il la détruirait. Ainsi, parti de rien du tout, il arriverait à rien du tout, mais après un chemin qui aurait occupé toute sa vie. Il fallait que ce personnage soit immensément riche pour se permettre ça et immensément désespéré, disons. Alors, immensément riche, ça m'a donné un homme qui venait d'un personnage de Valérie Larbaud qui s'appelle Barnabous. Et immensément désespéré, refusant la vie, ça m'a donné un personnage qui venait de Melville qui s'appelle Bartleby. Et Barnabous plus Bartleby ont donné Bartlebous, qui était ce personnage. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez la lettre à Élise de Beethoven que l'on trouve à la page 208 de La vie, mode d'emploi dans l'édition du livre de poche. La vie, mode d'emploi, c'est le sujet de cette émission dans le cadre de cette série sur le voisinage. Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Luc Joly et nous venons d'entendre Georges Perec, qui est au micro de Jacques Chancel, toujours en 1978, expliquer l'importance du puzzle et comment le personnage de Bartlebus lui était venu. C'est vrai que le puzzle, Jean-Luc Joly, repartons de cette idée quand même si elle se trouve dès le préambule, c'est vraiment le fil directeur de tout le récit. Tout se ramène à cette histoire de puzzle de manière formelle, mais aussi de manière réelle. Les personnages sont hantés par le puzzle. Le puzzle, comme dit Perec. Ouais. Cette histoire de puzzle, c'est une autre source de la vie mode d'emploi. En fait, dans Espèce d'espace, qui paraît en 1974, Avant, effectivement, Perec est en pleine écriture de La vie mode d'emploi. Il explique ce qu'est ce livre qu'il a en chantier à ce moment-là. Donc, il parle évidemment, des bicarés latins, de tout ce qu'on a évoqué il y a un moment, mais il parle aussi de son envie de raconter effectivement cette histoire de Bartlebus. Donc, l'histoire d'un homme qui passerait sa vie à prendre l'aquarelle, à peindre des aquarelles autour du monde, à les faire transformer en puzzles. Puis à reconstituer ses puzzles et ensuite à les détruire selon un programme d'existence qui est presque une forme de contrainte existentielle, pourrait-on dire. Ce qui est d'ailleurs assez, entre guillemets, amusant, c'est que Perec prête ici, dans le domaine de la fiction, un personnage qui est un personnage d'anglais millionnaire excentrique. Aujourd'hui, il serait évidemment milliardaire. Une sorte de fantasme, de contrainte existentielle. Il s'agit de vivre, de contraindre sa vie pour l'arracher au hasard. Et lui-même, quelques années auparavant, a en partie d'ailleurs ambitionné de contraindre sa vie. Ça, c'est le projet de Lieu, puisque Lieu était géré alors par un bicarré latin d'ordre 12, tout comme La vie mode d'emploi est géré par un bicarré latin d'ordre 10, mais ça consistait à avoir un projet de visite deux fois par mois de 12 lieux autobiographiques dans Paris, selon deux modalités. L'une de ces modalités était la modalité du souvenir. Là où on était, on se souvenait de ce lieu qui n'était pas choisi au hasard, qui était déterminé par la combinatoire du bicarré latin. Et l'autre modalité, c'était de se rendre sur place et de décrire le lieu, d'y décrire ce que l'on voyait. Donc, Perec s'était en quelque sorte prévu un programme pendant 12 ans. Tous les mois, il aurait eu cette contrainte existentielle de se souvenir ou de se rendre dans un de ces 12 lieux parisiens. C'est au fond une sorte de pré-projet à la Bartlebus. Et on s'aperçoit que cette histoire de Bartlebus, dans la postérité du livre, va fasciner quantité de, non seulement d'écrivains, mais de plasticiens. Bref, la notion de contrainte existentielle dans les arts plastiques aujourd'hui, elle est assez fréquente. Enfin, on peut songer, entre autres, par exemple, à ce que fait Sophie Calle dans une partie de son travail, lorsqu'elle se donne pendant une semaine l'ambition, le but de consommer des régimes monochromes. C'est d'ailleurs en partie dans La vie mode d'emploi que cette idée épuisée, cette idée des dîners monochromes, ou quand elle se donne le projet de passer toute une journée sous le signe du W et se rend... Lettre qui est chère à Pérec. Oui, d'ailleurs, là aussi, c'est un projet pérequien de Sophie Cal, même si chez Sophie Cal, c'est un peu plus complexe, parce que ça passe aussi par Paul Auster, qui est un autre pérequien notoire. Et cette journée sous le signe du W l'amène en Wallonie, dans un wagon, avec évidemment W comme lecture de voyage. W, c'est le souvenir d'enfance, qui est le titre d'un ouvrage de Georges Perec, voilà, dans lequel exactement. Vraisemblablement il fait référence à son enfance. Oui, oui, bien sûr, c'est une autobiographie d'enfance, W ou le souvenir d'enfance. Là aussi, c'est pas une autobiographie banale, puisque Perec, en fait, alterne des chapitres de fiction et des chapitres d'autobiographie qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui pourtant sont évidemment en conjonction dans le texte et en rapport secret, mais aussi en rapport efficient. Mais on comprend, sans faire de lecture psychologisante, dans ce texte, donc W ou le souvenir d'enfance, qu'il y a quand même chez Perec cette quête d'un endroit, d'un lieu où il pourrait habiter. C'est en fait le terme de l'habitation que l'on trouve de manière récurrente dans son travail. Et on pourrait lire La vie, mode, emploi de cette manière-là. Et l'importance du voisinage, c'est tout simplement un des corollaires de l'importance de l'habitation, faire un lieu qui serait le sien et qui est peut-être la langue. Oui, les problématiques évidemment développées dans W sont à la fois autres et semblables. Évidemment, Perec, on le sait, c'est important chez lui, évidemment. Commence sa vie par une double tragédie, puisqu'il perd à la fois son père et sa mère tout au début de la guerre et de l'occupation. Son père meurt dans les premiers combats qui ont lieu entre l'armée française, bref, combats qui ont lieu entre l'armée française et l'armée allemande, et sa mère est déportée à Auschwitz, et à une date d'ailleurs reconstituée qui va résonner de manière obsessionnelle dans toute son œuvre. Et ce manque initial, effectivement, fait que toute sa vie, Perec va être à la recherche de racines. Cette absence de parenté, il dira lui-même dans W qu'il l'a trouvée dans les livres. Sa parenté retrouvée, c'est celle des auteurs qui sont ses compagnons, c'est celle des livres qu'il a lus et relus. Mais quelque part, la recherche de sens qu'elle s'effectue à travers l'écriture, les romans, la réflexion sur les lieux, est aussi une des marques dans la vie et dans l'œuvre de Perec, de cette volonté de contourner, d'effacer cette absence, manque initial. Alors, c'est à la fois, évidemment, lié à l'autobiographie de Perec, mais le génie de Perec, sans doute, c'est de ne pas avoir limité, si j'ose dire, cette problématique-là, qui, au fond, vise à combler une absence de manque par la recherche du sens et par la saturation aussi. On parlait tout à l'heure de multiplicité, mais c'est à ça aussi que ça correspond, évidemment. Cette volonté de tout dire, de remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale, c'est une façon aussi de vaporiser le manque. Donc, dans son œuvre, tout ceci joue ensemble en permanence, pourrait-on dire. Il écrit « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles. Ces lieux seraient des références, des points de départ, des sources. » Oui. Le lieu, effectivement, idéalisé... d'une enfance normale, si j'ose dire, un grenier dans lequel la mémoire de la famille aurait été déposée et que Perec ne possède pas et dont il manquera toute sa vie, mais que précisément il va compenser en développant une œuvre qui va, si j'ose dire, non seulement jouer un rôle autobiographique, mais un rôle anthropologique. Enfin, si l'œuvre, je crois, est si importante pour des milliers, sinon peut-être même des millions de lecteurs aujourd'hui, c'est que Perec est au fond l'un des rares écrivains à apporter une réponse au manque. Et donc, ça nous concerne tous. Je m'interrogeais pendant très longtemps sur comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui quelque chose qui aurait un peu la dimension de ce que Jules Verne a fait au XIXe siècle. C'était rassembler dans une série romanesque dans tout un état du savoir, tout un monde de connaissances, enfin les grandes explorations, la découverte de l'électricité, des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on pourrait informer un livre avec, disons, ce qui entoure complètement l'univers des mots. C'est pour ça qu'il y a cette sorte de volonté de catalogue, enfin d'énumération. La première idée, c'est de faire exploser ce cadre du roman. Et dans l'explosion, c'est pas une destruction, c'est finalement une machine à produire des histoires. Parfois, pendant des soirées entières, à demi étendue sur ta banquette étroite, sans autre lumière que la clarté pâle et diffuse qui passe par la fenêtre mansardée et que seul rehausse presque régulièrement le foyer rougeoyant de ta cigarette, tu écoutes ton voisin aller et venir. La cloison qui sépare vos deux chambres est d'une minceur telle que tu entends presque sa respiration, que tu l'entends encore lorsqu'il traîne en chaussons. Tu essayes souvent d'imaginer son allure, son visage, ses mains, ce qu'il fait, son âge, ses pensées. Tu ne sais rien de lui, tu ne l'as même jamais vu. Peut-être tout au plus l'as-tu croisé un jour dans l'escalier, t'es-tu collé contre la paroi pour le laisser passer, mais sans savoir alors, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait de lui. Tu ne cherches pas à le voir d'ailleurs, tu n'entrebâilles pas ta porte lorsque tu l'entends sortir sur le palier pour remplir sa bouilloire au robinet du poste d'eau. Tu préfères l'écouter et le façonner à ta guise. Tu sais seulement que sa chambre est beaucoup plus grande que la tienne, qu'il peut s'y déplacer, qu'il doit s'y déplacer pour atteindre sa fenêtre, ou son lit, ou sa porte, ou ses armoires, alors que du centre de la tienne, à la hauteur à peu près des trois quarts de ta banquette, tu peux, pieds joints, atteindre avec tes mains n'importe quel point, la fenêtre, la porte, le petit lavabo, le recoin penderi, la bassine de matière plastique rose, l'étagère. Parfois, sa vie t'appartient. Ses bruits sont à toi, puisque tu les écoutes, les attends, puisqu'ils te maintiennent en vie, comme la goutte d'eau, les cloches de Saint-Roch, les bruits de la rue, de la ville. Il t'importe peu que tu te trompes, ou interprètes, ou inventes. Il suffit que tu l'aies fait mercier pour qu'il soit, avec sa valise pliante, ses peignes, ses briquets, ses lunettes solaires. Il vit la mince vie que tu lui laisses vivre, s'évanouissant à peine du champ de ta perception. Mort dès lors que le sommeil te gagne, condamné le reste du temps à remplir d'eau sa bouilloire, à tousser, à traîner des pieds, à fermer, à ouvrir ses tiroirs. C'est Hayden, toujours référence qu'on trouve dans La vie mode d'emploi, Jean-Luc Joly, qui nous a conduit vers L'homme qui dort, un autre texte de Pérec, dans lequel il décrit un homme, donc en employant la deuxième personne du singulier, semblant s'adresser au lecteur, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas grand-chose de sa vie, même en fait le moins possible, c'est une expérience très troublante pour le lecteur, et qui, dans l'extrait que je viens de lire, imagine son voisin. Et là, on n'est pas dans le fantasme, c'est presque un exercice d'imagination qui est comme un exercice qui consisterait à se mettre en scène soi-même comme un autre. Il y a un jeu de miroir, non ? Alors, Un homme qui dort paraît en 1967, c'est le troisième roman publié de Pérec, mais en fait le texte revient sur, disons, une dépression. Alors, revient, oui et non, on la transpose dans la fiction, une dépression que Pérec a traversé dans les années 56-57 et qui l'a mené d'ailleurs à une psychanalyse avec Michel de Musan à l'époque. Il habite à cette époque-là 203 rue Saint-Honoré. Il y a des adresses pérequiennes dans Paris assez intéressantes et importantes. Et c'est pour ça que dans l'extrait que vous avez lu, on entend les cloches de Saint-Roch. Et la chambre de Bonne qu'il habite alors rue Saint-Honoré est celle dont il va s'inspirer précisément pour Un homme qui dort. On peut supposer aussi que, en partie, l'expérience du voisin ou des voisins qui se déroule dans ce texte a été puisée à cette expérience donc de l'habitat en chambre de Bonne. C'est la première fois que ça arrive à Pérec. Rue Saint-Honoré, il vient de quitter sa famille adoptive qui habite dans les beaux quartiers parisiens, rue de l'Assomption, parce qu'il veut vivre sa vie, réussir par lui-même, devenir écrivain. Ça ne marche pas. Et il en conçoit évidemment beaucoup d'amertume. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi la problématique liée à ses parents, à la perte de ses parents, à la déportation de sa mère, à sa disparition à Auschwitz. Enfin, tout ça, évidemment, on peut le supposer, parce que on ne sait pas très bien, évidemment, ce qui s'est passé au cours de cette psychanalyse, mais a constitué le substrat de cette dépression. Et cet homme qui dort, enfin le personnage désigné simplement par le pronom personnel de la seconde personne du singulier, entreprend quelque chose d'un peu curieux. Une phrase est dite dans le livre, c'est « tu te déprends de tout ». Il s'agit de se déprendre de tout, c'est-à-dire, au fond, de mener une vie aussi limitée et réduite que possible. Le début de l'histoire, si histoire il y a dans ce texte, cet homme qui semble être un étudiant en sociologie, eh bien, un beau matin, décide de ne pas aller passer ses examens, de ne pas se lever, de ne pas quitter sa chambre. Au bout de quelques temps, ses amis viennent, toquent à sa porte, s'inquiètent pour lui, et à partir de là, il essaye de mener une vie où il aura le moins de contact possible. Le voisin est là, il est fantasmé, mais à la limite, c'est le seul contact qu'il va s'autoriser avec autrui. Il essaye également de ne plus mener qu'une vie en quelque sorte machinale, presque contrainte elle aussi. Enfin, il s'agit de manger toujours la même chose, dans les mêmes endroits, de se déplacer dans Paris selon des itinéraires contraints. Enfin, il s'agit par exemple de visiter Paris en visitant tous les restaurants russes, toutes les pissotières d'un quartier. Enfin, l'homme qui dort se donne comme ça, c'est presque un Barthelbus avant l'heure, il se donne comme ça des contraintes existentielles un peu curieuses. Et Pérec disait que un homme qui dort, c'était les lieux communs au sens rhétorique du terme, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire sur l'indifférence, comme les choses avaient été au fond les lieux communs de la... Les choses, c'est un autre texte de Pérec. C'est le premier texte publié de Pérec en 65. Les choses avaient été... Il écrit un couple. Oui. Alors là aussi, l'expérience est très troublante pour le lecteur. On ne sait pas si c'est le délitement d'un couple, l'ennui d'un couple ou la vie ordinaire d'un couple. Oui. Il y a peu de voisins. Il n'y a même pas de voisins dans les choses. Ouais. C'est un roman des amis, beaucoup plus que des voisins. Et Pérec disait donc que les choses, c'était les lieux communs de la fascination, alors qu'un homme qui dort, c'était les lieux communs de l'indifférence. Le voisin ici fait irruption dans le texte. Alors, pas vraiment, il est imaginé, il est fantasmé, mais au fond, tout le monde sera tenu à distance dans ce texte. Il s'agit presque, dans un autre passage du texte, Pérec parle de l'insupportable vacarme, qu'est la vie, qu'est le contact des autres, et qu'est la vie peut-être dans un immeuble aussi. Et il s'agit presque d'entreprendre systématiquement, parce qu'on ne peut pas comprendre ou maîtriser cet insupportable vacarme, d'y échapper en systématisant sa vie, en la réduisant à des gestes machinaux, répétitifs, en ne voyant plus ses amis et en ignorant ses voisins, sauf à travers cette espèce d'exercice fantasmatique. C'est pour ça que je dis que c'est une irruption. Bien sûr, il fantasme ce qu'il y a derrière, mais il ne choisit pas d'entendre son voisin. C'est là où les bruits sont quelque chose qu'il ne décide pas. Lui qui veut contrôler absolument sa vie, la réduire au minimum, cela, il ne peut pas le contrôler. Oui, et d'ailleurs, c'est un texte presque, enfin je veux dire, sans vouloir me lancer dans une étude de texte, c'est un texte où vraiment le voisin apparaît dans sa dualité parfaite, à la fois le double et l'autre, et à partir de là, on pourrait presque utiliser l'œuvre de Pérec pour une étude lexicale, en prenant toutes les occurrences de voisins, on s'aperçoit qu'il y a évidemment les sens les plus courants de voisins, voisines, c'est tout ce qui est proche, c'est tout ce qui est analogue. Mais assez souvent chez Pérec, on trouve le verbe voisiner, notamment lorsqu'il décrit des bric-à-brac sur une table, voisine des objets qui précisément n'ont rien à faire ensemble. Par exemple, dans les choses, sur une table, il y a des verres finement taillés qui voisinent avec des verres à moutarde. Et ce verbe voisiner qui revient comme cela dans les choses, dans la disparition. Alors, dans la disparition, c'est un peu différent parce que comme voisin est un terme où il n'y a pas de e, il est bien pratique. Donc il y a beaucoup de voisins dans la disparition parce qu'il est le synonyme parfait de proche, de près de, qu'on ne peut pas utiliser. Donc il y a beaucoup de voisins, au sens de proche. Donc ce verbe voisiner qui indique au fond l'hétéroclite, ce qui est hétérogène, ce qui ne devrait pas être ensemble et pourtant ensemble sur une table, un bahut, une table de nuit, par exemple dans la vie mode d'emploi aussi. Révèle presque lexicalement la part d'hétérogénéité qu'il y a aussi dans le voisinage. Donc c'est le proche, c'est l'analogue, mais c'est aussi ce qui est différent de moi. Bon, c'est une banalité, évidemment, de le dire, mais on trouve ça dans ce double aspect du voisin, d'un homme qui dort, presque originairement dans la vie de Perec. Et dans la vie mode d'emploi, on voit très très bien que le voisin est à la fois une source d'ennui, mais aussi une source de solidarité. Et dans la vie de Perec, ça a souvent été comme ça aussi. Bon, on va retourner dans la vie mode d'emploi au chapitre 49. Est-ce qu'il importe de connaître l'intrigue ou est-ce qu'on peut plonger dans le chapitre 49 comme ça, Jean-Luc Joly? Non, on peut plonger comme ça dans ce chapitre parce que c'est un des chapitres de synthèse du roman où Perec envisage un petit peu la vie collective de l'immeuble à partir de la nécessité de parler au fond d'une des parties communes de l'immeuble, c'est-à-dire l'escalier, puisque ce chapitre est situé en haut de l'escalier. À deux reprises, les gens du haut et les gens du bas sont entrés en conflit ouvert. Une première fois, lorsque Olivier Gratiolet a demandé à la copropriétaire de voter la prolongation du tapis au 7e et 8e étage, de l'autre côté de la porte vitrée. Il a eu l'appui du gérant, pour qui un tapis dans l'escalier représentait 100 francs de plus par mois et par chambre. Mais la majorité des copropriétaires, tout en déclarant l'opération légitime, a exigé qu'elle soit supportée par les propriétaires des deux derniers étages seulement, et pas par la copropriété tout entière. Cela ne faisait pas du tout l'affaire du gérant, qui aurait presque dû payer le tapis à lui tout seul, et il s'arrangea pour enterrer l'affaire. La deuxième fois, ce fut à propos de la distribution du courrier. La concierge actuelle, Madame Neuchère, a beau être la meilleure femme du monde, elle n'en a pas moins des préjugés de classe. Et la séparation marquée par la porte vitrée n'est absolument pas fictive pour elle. Alors le texte s'arrête ici, mais évidemment il continue sur des pages et des pages, Jean-Luc Joly, avec beaucoup de noms qui ne vous diraient rien. Madame Arana, Madame Claveau, Madame Neuchère, Plessert, Hutting, Madame Orlovska, Mademoiselle Crespi. Bref, comme dans un immeuble où habitent des dizaines et des dizaines de personnes. Ici, on a quasiment une approche, on pourrait dire sociologique, non, de la vie de l'immeuble. Oui, Perec est un écrivain sociologue, enfin en tout cas c'est un aspect de son œuvre. On a souvent parlé des choses comme d'un roman sociologique. D'ailleurs, immédiatement après sa parution, ce sont les sociologues que les choses va intéresser. Le livre est pratiquement immédiatement mis au programme de département de sociologie dans certaines universités françaises. Et puis il y a tout ce que Perec appelait son intérêt pour l'infraordinaire. C'est-à-dire justement, il disait que sa sociologie était descriptive et qu'il n'avait pas de réflexion sociologique, mais qu'il proposait précisément peut-être à des sociologues de métier la description de ce qu'habituellement on se refusait un petit peu à voir. Donc son observation de l'immeuble dans la vie mode d'emploi, de la vie de l'immeuble, des relations entre les habitants dans l'immeuble, elle est souvent informée par des observations sociologiques, mais à la manière péréquienne, c'est-à-dire en s'attachant précisément à cet infraordinaire, à ce qu'il a défini ailleurs comme précisément l'intérêt pour ce qui n'a habituellement pas d'intérêt, justement. Dans ce chapitre 49, ce sont les petits heurts et malheurs d'une vie semi-communautaire, pourrait-on dire, dans un immeuble qui sont abordés. Ce qui est assez d'ailleurs amusant, c'est que dans la vie mode d'emploi, pour au fond traiter de cette question, Perec s'est beaucoup inspiré de ce qu'il avait connu lui-même, particulièrement ou tout particulièrement dans le dernier immeuble où il a habité à Paris, 13 rue Linné. C'est Paulette Perec, son épouse, que j'ai eu la chance de connaître, qui m'avait dit par exemple que cette concierge, Madame Neuchère, dont il est question dans l'extrait qui a été lu, avait réellement existé, que Perec s'était beaucoup inspiré de la concierge de son immeuble. Le voisin qui a la désagréable manie d'écouter, si possible d'ailleurs pendant les heures nocturnes plutôt que diurnes, les bijoux de la musique hitlérienne, comme le dit Perec dans la vie mode d'emploi, était un de leurs voisins de la rue Linné, parce que la rue Linné aussi est pour l'étude du voisinage, est aussi un cas de figure assez particulier, puisque Perec et Paulette y habitaient, mais pas dans le même appartement. Ils étaient à l'époque séparés, pas encore divorcés. Ils y habitent à partir de 1974, et Georges habite au rez-de-chaussée surélevé, et Paulette habite au dernier étage. Autrement dit, ils ont essayé de faire d'une relation amoureuse qui s'était terminée, une relation d'amitié et de voisinage. Enfin, c'était aussi peut-être une forme d'utopie post-68 arde, mais elle a eu son importance pour ce qui s'est joué de Rulinet. Alors quelle différence entre ce qu'il décrit dans La vie mode d'emploi et qui est donc inspiré en partie par sa vie, en tout cas sa biographie, et ce qu'il écrit dans Espèce d'espace, où on trouve plusieurs parties, hein, qui décrivent l'appartement, la rue, les portes, etc. Et on lit par exemple ceci. « Pendant 2 ans, j'ai eu une très vieille voisine. Elle habitait l'immeuble depuis 70 ans. Elle était veuve depuis 60 ans. Pendant les dernières années de sa vie, alors qu'elle se fut cassée le col du fémur, elle n'est jamais allée plus loin que sur le palier de son étage. La concierge, ou un jeune garçon de l'immeuble, lui faisait ses commissions. Plusieurs fois, elle m'a arrêté dans l'escalier pour me demander quel jour on était. Un jour, je suis allé lui chercher une tranche de jambon. Elle m'a offert une pomme et m'a invité à entrer chez elle. Elle vivait au milieu de meubles extrêmement sombres qu'elle passait son temps à frotter. » Dans Espèce d'espace, et on trouve plusieurs paragraphes de ce style. Oui, dans Espèce d'espace, qui est un livre de commande. On a demandé à Pérec de mener une réflexion sur l'espace, et Pérec a décidé de le faire avec une méthode qui était la sienne, non seulement d'attention à l'infraordinaire, mais de ce qu'il appelait le pas de côté. Faire un pas de côté, justement pour voir ce que l'on ne voit pas habituellement, ou voir sous un angle différent ce que l'on a trop vu et que l'on croit connaître et qu'en fait on ne connaît pas. Là, on a un portrait de voisin, en quelque sorte. De voisine. Ou de voisine, à travers ce petit chapitre. Ailleurs, c'est effectivement cette sociologie de l'infraordinaire et du pas de côté que développe Pérec. Dans La vie mode emploi, c'est très différent. Il s'est parfois inspiré, évidemment, de ce qu'il avait lui-même connu. Mais évidemment, il y a non seulement l'insertion dans un ensemble, mais la transposition fictionnelle, c'est assez différent. Mais Espèce d'espace est plein de ah oui, de on trouve des petits bijoux, hein, sur la vie de quartier. Il dit la vie de quartier, c'est un bien grand mot. D'accord, il y a les voisins, il y a les gens du quartier, les commerçants, la crèmerie, le tout pour le ménage, le tabac qui reste ouvert le dimanche, la pharmacie, le poste, le café dont on est, sinon un habitué, du moins un client régulier. Évidemment, on pourrait cultiver ses habitudes, etc. Et il décline pour dire finalement, la vie de quartier, ça n'a pas vraiment de sens, mais il continue à en parler. Il dit le quartier, qu'est-ce que c'est qu'un quartier? T'habites dans le quartier? T'es du quartier? T'as changé de quartier? T'es de quel quartier? C'est vraiment quelque chose d'amorphe, le quartier, une manière de paroisse ou à strictement parler, le quart d'un arrondissement, le petit morceau de ville dépendant d'un commissariat de police. Oui, Espèce d'espace est devenu une sorte de livre culte, de manuel dans les écoles d'architecture, d'urbanisme, dans les écoles de beaux-arts également, parce qu'il est plein d'interrogations, naturellement, sur notre environnement, sur nos espaces, mais il est également plein de suggestions, précisément, pour vivre l'espace différemment. C'est ça qui est intéressant dans ce texte. Chez Pérec, il y a à la fois le désir d'aller vers le voisin. Il est entré chez cette vieille voisine qui l'abordait. Il est allé lui acheter volontiers une tranche de jambon. Et puis, il y a évidemment le désir de se protéger de ce voisin qui est toujours une menace. Donc, dans tout ce qu'il écrit, on a, dans La vie mode d'emploi, on a évidemment des relations de voisinage négatives, parfois même délétères. On peut penser à ce couple, les Placertes, par exemple, qui habitent au dernier, qui ont réuni plusieurs chambres de bonne. Ce sont des marchands d'indiennerie. Alors, ils ont un côté comme ça, apparemment un peu néo-hippie. Et en fait, ce sont des gens très intéressés. Et ils ambitionnent d'agrandir leur appartement en faisant mettre à la porte leur voisin de chambre de bonne, qui est une sorte de Gaston Lagaffe, qui s'appelle Morellet, qui fait des expériences de chimie, s'est fait exploser les doigts et régulièrement crée des troubles dans le voisinage. C'est presque un Gaston Lagaffe. C'est vrai. Pérec adorait la bande dessinée. Enfin, c'est pas un hasard si ce Morellet a des aspects Gaston Lagaffe. Mais il y a aussi des relations de solidarité qui existent lorsque un des personnages principaux du texte, qui est Vinclair, c'est-à-dire celui qui fabrique les puzzles que Bartel Bouze va ensuite reconstituer, et qui est un personnage dans lequel Pérec se reconnaissait volontiers lorsqu'il devient vieux, ne travaille plus, entre même dans une sorte de dépression. La concierge, Madame Neuchère, mais aussi son voisin du dessous, Valen, qui est le peintre de la vie, un des peintres de La vie mode d'emploi, mais aussi Smotf, par exemple, le domestique de Bartel Bouze. Tous ces gens-là lui viennent en aide, qui pour lui porter à manger, qui pour le distraire en disputant avec lui une partie de jaquet quotidienne dans le café d'à côté, chez Monsieur Riri. Enfin, on peut circuler dans La vie mode d'emploi comme dans un monde réel, vous le voyez, même si c'est un réel de synthèse, comme je le disais tout à l'heure. Alors, si on étudie Perec en école d'architecture et d'urbanisme, voici quand même la conclusion qu'il porte à sa réflexion, ses descriptions du quartier. Il dit finalement, dans tout ce qui précède, je peux tirer la conclusion, à vrai dire peu satisfaisante, que je n'ai qu'une idée très approximative de ce qu'est un quartier. Il est vrai que j'en ai pas mal changé au cours de ces dernières années. Mais il finit en disant, pourquoi ne pas privilégier la dispersion? Ce qui est vraiment alors là la réflexion anti-voisinage. Au lieu de vivre dans un lieu unique en cherchant vainement à s'y rassembler, pourquoi n'aurait-on pas éparpillé dans Paris 5 ou 6 chambres? J'irai dormir à Denfer, j'écrirai place Voltaire, j'écouterai de la musique place Clichy, je ferai l'amour à la poterne des Peupliers, je mangerai rue de la Tombissoire, je lirai près du parc Monceau, etc. Est-ce plus stupide en fin de compte que de mettre tous les marchands de meubles faubourg Saint-Antoine, tous les marchands de verrerie rue du Paradis, tous les tailleurs rue des Sentiers, etc. Oui, échapper aux voisins en multipliant les voisins. C'est ça, si on... Oui, c'est paradoxal, mais c'est très péricien. Alors, on a deux façons de se quitter, Jean-Luc Joly, en étant fidèle à Georges Perec et à la vie mode d'emploi. Deux chansons que l'on trouve dans ce texte. D'un côté, on en a un petit peu parlé, c'est à l'amour auquel je pense de Françoise Hardy, qu'on trouve au chapitre 92 de la vie mode d'emploi. Et dans un tout autre registre, Aimable et son orchestre, boire un petit coup. Lequel choisissez-vous et pourquoi? Elle est Françoise Hardy, parce que c'est une sorte de blague récurrente chez Perec. C'est-à-dire En fait, c'est une sorte de polémique historique qui s'est déroulée, puisqu'il y a une faute de syntaxe dans le titre de la chanson de Françoise Hardy. C'est l'amour auquel je pense. Ouais. Voilà, et Gottlieb, le dessinateur de bande dessinée, qui était un ami de Perec, avait déjà pas mal plaisanté Françoise Hardy sur cette question de cette faute de syntaxe. Dans le titre de cette chanson. Donc Perec, on a rajouté un petit peu dans la vie mode d'emploi. Voilà, c'est drôle, mais par ailleurs, j'aime bien Françoise Hardy aussi. Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets. C'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. Lorsque ses lèvres sur les miennes viennent se poser et qu'il me tient entre ses bras très fort serré, c'est à l'amour auquel je pense et que j'espère et que j'attends. L'amour que j'appelle en silence à cet instant. Un jour il vous jure, je t'aime. Déjà le lendemain, il n'est plus le même. Je ne suis plus rien lorsque ses yeux au fond des miens viennent plonger et que mes cheveux par sa main sont caressés. Un grand merci à vous, Jean-Luc Joly, d'être venu nous parler de Georges Perec aujourd'hui. Merci à vous. Et c'est un grand plaisir d'en parler avec vous. Je renvoie notamment aux éditions de La Vie Mode d'Emploi, un cabinet d'amateurs dans les œuvres complètes de Georges Perec, aux éditions Gallimard, en bibliothèque de la Pléiade, que vous avez édité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Georges Perec. Et je remercie Nicolas Berger qui a concocté la bande-son de La Vie Mode d'Emploi pour vous, cher Jean-Luc Joly. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un philosophe que j'aime beaucoup. Oui, vous allez être très contente Adèle, puisque Vladimir Jankélévitch connaît en ce début d'année une actualité brûlante. Alors par un heureux hasard, vous pouvez en effet découvrir plusieurs ouvrages du philosophe et une exposition à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 3 mars. Vladimir Jankélévitch, figure du philosophe. Jankélévitch interprétant un extrait en 1971 de trois morceaux en forme de poire d'Éric Satie, comme on vient de l'entendre, des manuscrits de son traité des vertus ou de Nocturne, des photographies, des documents d'époque ou des enregistrements audio. C'est tout ce que vous pourrez voir du philosophe si vous allez à l'exposition de la BNF. Des origines familiales et des années de formation à ses grands manuscrits, en passant par la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement et la musique, c'est toute une vie de l'esprit que vous pourrez donc apercevoir. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de nous demander, mais au fond, que veut-on voir et apercevoir d'un philosophe et que peut-on montrer, exposer d'une pensée? De la forme de l'écriture aux intonations d'une voix, des contours d'un visage à un engagement entier dans l'histoire, que racontent toutes ces traces d'une philosophie? Qu'apportent, autrement dit, ces documents, ces témoignages, ces images aux gestes de Jankélévitch? Comment éclaire-t-il le geste profondément mystérieux de sa pensée? Au fond, vous voyez, l'homme n'est pas fait pour la musique. L'homme n'aime pas la musique, n'est-ce pas ? Il l'aime que par hasard, par accident. Des hommes qui aiment profondément, vraiment la musique, qui l'aiment pour elle-même et qui l'aiment pas pour autre chose, sous nos climats, il n'y en a pas. C'est rarissime. Fauré, Liszt, Ravel, mais aussi Debussy, Jankélévitch semble faire partie de ces hommes rarissimes qui aiment la musique pour elle-même. Dans son livre « Debussy et le mystère de l'instant » qui reparaît aux éditions Plomb, Jankélévitch distingue le secret du mystère. Le secret, c'est ce que l'on ne sait pas, mais qui est cependant connu de quelques-uns. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui ne le connaissent pas et les quelques initiés qui le connaissent. Alors que le mystère, eh bien c'est l'inconnu en soi, ce qui unit les hommes dans une commune humilité. Le mystère, c'est par exemple la mort, le plaisir ou la musique. Le mystère est la chose de la musique, nous dit ainsi Jankélévitch. Mais on pourrait dire aussi que le mystère est la chose de l'esprit. Comment rendre compte d'une pensée qui s'est façonnée au fur et à mesure du temps, des instants, des événements, qu'il s'agisse des livres ou des 120 pièces de l'exposition consacrée à Jankélévitch, qu'il s'agisse d'une manière d'écrire ou de jouer du piano, il y a toujours quelque chose de la pensée qui nous échappe, comme le dit Jankélévitch de Debussy. Et on pourrait dire qu'il y a dans le surgissement d'une pensée une apparition disparaissante. La philosophie, c'est de s'étonner des choses les moins étonnantes. S'étonner d'une chose étonnante, il n'y a pas besoin de philosophie pour ça. Pas une comète passe dans la salle, une soucoupe volante, enfin la montagne Sainte-Geneviève a une éruption volcanique, c'est étonnant, n'est-ce pas ? Donc c'est pas un étonnement philosophique. Mais par contre, s'étonner de vivre, mademoiselle, s'étonner de vivre, c'est la philosophie même. Qu'est-ce qu'il y a de moins étonnant que de vivre ? Un battement du cœur succède à un autre battement, le pouls, ça marche, la respiration, donc c'est pas étonnant du tout, ça va de soi. Alors un philosophe est un être bizarre qui s'étonne de ces choses-là. À côté de cette reparution du livre de Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant, et à côté de cette exposition, est publié en une somme ses textes de philosophie morale chez Flammarion, de la mauvaise conscience, qui date de sa thèse en 1933 au pardon de 1963, soit 30 ans d'une vie universitaire à une vie marquée par la guerre. Et bien, ce sont aussi 30 ans de musique et de philosophie consacrés à l'étonnement, au paradoxe de ce qui semble évident, d'apparitions disparaissantes et de ce que Jankélévitch appelle les problèmes limites, les insaisissables, les ineffables, les presque rien et les je ne sais quoi, les présences, absences, telles la mort qui nous hante mais n'est pas là, telle la musique qui se fait entendre sans nous parler. Et peut-être est-ce là la réponse à notre question, que veut-on voir et que peut-on exposer d'une philosophie ? Eh bien tout ce qui nous rappelle sa présence, sa forme, son style et par là même son absence, son impossible explication, sa raison d'être. La pensée est là, alors autant la lire et la voir. Merci Géraldine, quelle que soit la raison de cette actualité Jankélévitch, on s'en réjouit. Et on peut se réjouir en allant à l'exposition Vladimir Jankélévitch, figure du philosophe, c'est à la BNF jusqu'au 3 mars, dès aujourd'hui, et puis Debussy et le mystère de l'instant chez Plomb, et philosophie morale de Jankélévitch chez Flammarion. Autant d'informations que nous mettrons en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Géraldine Mostin-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le voisinage. Demain, nous vous proposerons une philosophie des frontières en compagnie du philosophe Étienne Balibar. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Georges Perec en compagnie de Jolie ou Jolie, sachez que c'est très simple, vous vous rendez sur le site des Chemins de la Philosophie, vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, par exemple dans vos réunions de copropriété avec vos chers amis les voisins. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, à demain, 10h précises, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.